On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je suis parti, squat plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sers que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon. Je fais des doigts d'honneur au Schmitt. Faut voir ce que nous vivons. Entre les histoires et les fuites que ça m'y donne. Oh, même plus je m'étonne. Oh, et si mon heure sonne. Oh, on pleure pas, rigole. Oh, l'OVNI. J'ai ma team pour ça, j'm'en tape la pomme. L'OVNI. J'ai la rime, j'peux y arriver, ça serait beau. L'OVNI. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. Que ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. J'suis dans l'insomnie. J'suis dans. Plus un ouais mec, on parle plus, ils jalouse, on a le truc, je les comprends pas, faut que je parle cru. J'ai trop d'attente, peut-être que je sors trop d'albums, je sais pas, je trouve ça son match, ils me disent c'est la bombe. Regarde, je fais comme je peux, je ne sais pas dire, non, c'est fini. Ils nous auront plus, c'est trop loin que nous visons. Une critique, oh le bâtard, que une chaîne 9, ils s'attardent. Eh ouais, fais le signe, je le sens pas quand tu dis le radar. L'OVNI, la galère, oui, on l'a connu. Couteau dans la plaie, ils aimeraient qu'on roule. L'OVNI. Viens de Hemen, j'te donne un phonume. Ah, l'OVNI. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. Que ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. J'suis dans l'insomnie. J'suis dans l'insomnie. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Cours après le temps, je suis loin de tout. Quand ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. Je suis dans l'air. On m'appelle l'OVNI. Je suis dans l'air. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Quand ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. Je suis dans l'air. Je suis dans l'air. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. L'OVNI. L'OVNI.